yeah. J'attends que tu viennes depuis trop longtemps. Tu connais mes intentions. Ton corps est trop tentant. Du parfum jusqu'au lit. Des pétales au sol, la porte est trop cosy. Hey. Un verre de rosé. Un film sur Netflix, un plat préparé. Hey. J'attends, confiant. Pas besoin de produits dopants. Ça sonne, il était temps. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ma belle, je vais te kata, kata, kata, kata. Car ton body est un délit. L'attention monte, c'est un délit. Je te vois à ton mort. T'es galbé comme un centaure. Tes seins t'ont précédé. Je suis un obsédé, ça je peux te le concéder. Maintenant on est complètement seul. Mais je peux pas te cacher mon seum. Tu me parles de ton ex et vos scènes. Pendant que j'ai des idées obscènes. Oh oui, je t'écoute, je planque l'engin de temps en temps. Franchement, tu niques mon plan. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ma belle, je vais te kata, kata, kata, kata. Car ton body est un délire. L'attention monte, c'est un délire. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ça sera le bordel. Ce soir tu es mon problème. Ma belle, je vais te kata, kata, kata, kata. Car ton body est un délire. L'attention monte, c'est un délire. Thank you.